Allô? C'est toi, Sébastien? Oui, c'est moi. Bonjour, Marine. Qu'est-ce que tu deviens? Je voudrais te demander des conseils. Tu sais, il y a ma grand-mère qui vient passer quelques jours et je lui ai promis de l'emmener voir un truc sympa. Il faudrait quelque chose qui ne soit pas trop violent, bien sûr, ou il y ait de belles images, qui fasse rêver, quoi. Dis-moi, tu connais un film ou une pièce de théâtre qui puisse lui plaire? Et à moi aussi, tant qu'à faire. Bah écoute, au cinéma, déjà, n'allez pas voir le Da Vinci Code. C'est le film le plus mou que j'ai jamais vu, et les comédiens sont très mauvais. J'ai été super déçu, tu penses? Par contre, vous pourriez aller voir Quand j'étais chanteur, avec Gérard Depardieu. C'est un des films les plus émouvants que j'ai vus ces temps-ci. Et ça pourrait plaire à ta grand-mère. C'est la rencontre d'un chanteur de bal et d'une jeune femme. En tout cas, moi, ça m'a bien plu.